On dit étrange, étranger, on dit que tu viens pas de la même planète, de ceux qui voudraient t'étrangler. C'est chaud, les jupes se raccourcissent, les décolletés s'élargissent. Après parce que t'es noir, on va te faire un caprice. La théorie de la connerie est sortie, t'es un arabe, tu voles, oui. T'es noir, il paraît que t'es soumis. Et toi sur ton siège assis, cravate, cigare, tu crois que t'es un marquis. T'as l'étiquette marquée race unique, j'ai connu des personnes avec une valeur énorme. Pourtant sans fric ni diplôme, même si on dit blanc. Ceux qui sont différents, regarde les mieux intérieurement. Sur cette planète de cramé, je croyais que j'étais sur Mars. Les gens me regardaient comme si je leur avais fait une farce. On est des étrangers dans ce monde fou. On creuse des tranchées pour s'éloigner. Toute la gorge on veut trancher, car on n'est pas comme vous. Les pièces, les billets, la drogue contrôle tout. Et on qualifie n'importe qui toi. Étranger, pourquoi n'es-tu pas aimé? Étranger, pourquoi dans la rue tu disparais? Moi aussi je suis étranger, c'est pas parce que je suis blanc que je suis un pur français. Rien ne se perd, l'odeur du racisme est dans l'air. Même si tu viens du peuple, la violence contre toi se découpe. Faut dire que ça change rien. Sur les pompiers, j'étais un lave-vaisselle. Du 7ème pour qu'il monte au ciel. Alors calme-toi, oublie les racistes et fais la liste. Venge-toi et tu verras qu'après tout changera. Les paroles inadmissibles ne s'envolent pas, mais les retirer c'est possible, tu verras. Est-ce que je les emmène sales? Je sais, c'est pas banal. Mais avec ça, tu passeras un pas dans les annales. Alors étranger, oublie les insultes enchaînées. Oublie ton passé et sur la route de ton destin, pense à avancer. On est des étrangers dans ce monde fou. On creuse des tranchées pour s'éloigner. Tous la gorge on veut trancher, car on n'est pas comme vous. Les pièces, les billets, la drogue contrôle tout. Et on qualifie n'importe qui toi. You. Bien m'éloigner de ce monde où certains sont attachés par les poignets. La raison, écoute bien, il est bronzé, il a un cabriolé. Faut le baiser, là du cambriolé. Alors on l'arrête et on le jette dans la caisse, coup de matraque dans la tête. Après ça un blanc, la caisse remplie de poudre blanche. Passe le sourire aux dents, sans se faire arrêter ni contrôler. Étonnant qu'on puisse laisser passer un blanc, passer la frontière avec autant d'argent. Alors qu'il a un salaire de minable paysan. Il ose sourire quand on le trouve avec une barrette, parce qu'il sait que rien ne l'arrête. Blanc, c'est comme avoir une machette coincée sous la gorge du garde. Alors on laisse passer le petit blanc. Quand même, c'est étonnant. On dit étrange, étranger. On dit que tu viens pas de la même planète, de ceux qui voudraient t'étrangler. Rien ne se perd, l'odeur du racisme est dans l'air. Même si tu viens du peuple, la violence contre toi se découpe. On est des étrangers dans ce monde fou. On creuse des tranchées pour s'éloigner.